voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Jean-Guillaume Bellier est un chercheur dans différentes approches de la santé, du développement personnel et de la psychothérapie. L'écologie intérieure, enseignée par Yann Thibault, fait partie des outils utilisés par Jean-Guillaume pour nous accompagner vers une meilleure compréhension de ce que nous sommes. Dans cette deuxième partie de l'émission, Jean-Guillaume nous emmène dans l'univers de l'écologie intérieure. J'ai plusieurs pièces parce que quand je fais des stages chez moi, les gens font des expériences de psychisme ou de spiritualité, amusant, hein, comme des expériences de chimie amusante. Et souvent, ils travaillent par binôme. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent s'isoler dans une pièce pour pouvoir ne pas être forcément gênés par les discussions des autres. Voilà, mais c'est pas très important. Dans une première partie de l'émission, j'ai découvert en toi un chercheur qui a fait le tour de pas mal de thérapies, qui s'est peut-être spécialisé dans un domaine, dans un univers. Tu m'as montré dès le départ trois bouquins sur l'écologie intérieure, donc j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à cet aspect-là, à ce terme-là, à l'écologie intérieure. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui l'a créé ? À quoi ça sert ? Alors, l'écologie intérieure, c'est un nom, c'est pas une marque déposée, mais c'est Yann Thibault qui a utilisé ce terme-là et qui a construit un ensemble de connaissances, de savoirs, et il les a mis à disposition dans ses livres pour qu'on puisse les réutiliser, puisque ces bouquins sont essentiellement pratiques. Il y a de la théorie et de la pratique. Donc l'écologie intérieure, c'est l'idée, comme dans la nature, il y a des systèmes qui vivent et qui vivent sous forme d'écosystèmes, et on a compris ça il n'y a pas très longtemps au niveau humain, que si on ne prenait pas conscience de l'écosystème naturel, si on ne respectait pas les règles du vivant, ça se cassait la gueule. Ça ne marchait pas, il y a des plantes qui dépérissaient ou des animaux qui disparaissaient. On s'en rend bien compte aujourd'hui. Et bien là, c'est la même idée. C'est avoir des connaissances sur ce qu'est un être vivant, un humain. Comment ça marche, quelles sont les règles de la nature humaine et comment est-ce qu'on peut les respecter. Donc l'écologie intérieure, c'est un ensemble de savoirs et de connaissances qui vise à ce qu'on respecte notre nature profonde, pour justement, ce que je disais tout à l'heure, se réaliser, pour pouvoir agir au mieux, être réellement puissant, libre, authentique. Un peu comme sont les enfants, qui ont cette espèce de puissance, cette joie de vivre, c'est la garder, mais avec l'intelligence de l'adulte. Qu'est-ce qui se passe ? Ça voudrait dire qu'on la perd ? Tu parles des enfants. Si les enfants ont cette intelligence, pourquoi est-ce que nous, on ne l'a plus ? Oui, c'est bien là le problème, c'est que nos conditionnements éducatifs nous font perdre cette... Enfin, pas pour tout le monde, mais pour une grosse partie d'entre nous, je m'y inclus dedans, on perd notre spontanéité, notre élan naturel à vivre ce qu'on a envie de vivre, parce qu'on nous conditionne à avoir peur, à respecter des tas de lois et des tas de règles, et on pense du coup qu'il faut des règles et des lois pour vivre ensemble, alors que fondamentalement, je pense que des êtres réellement connectés à qui ils sont, à leur sagesse profonde, n'ont pas besoin de règles complexes pour vivre, n'ont pas besoin de règles du tout, j'ai envie de dire. Et on perd effectivement... Toute notre puissance, notre spontanéité, parce que les enfants sont profondément maltraités. Alors, ils devraient être réellement aimés, accompagnés, accueillis dans leurs émotions. On devrait avoir une réelle sagesse vis-à-vis de nos enfants, ne pas les voir comme des sous-êtres, mais des êtres en devenir. Quand on s'intéresse aux vies antérieures, on se rend compte que peut-être les enfants ne sont pas uniquement une âme qui vient une fois, mais peut-être des amis qu'on a connus. Et ça change le regard, hein, le regard qu'on peut porter sur les enfants. Alors c'est en train de se faire dans nos sociétés occidentales, on est en train de changer le regard sur les enfants, essayer de les accompagner autrement. Mais depuis des millénaires, dans la plupart des sociétés, les enfants ont été extrêmement maltraités. Et ça continue encore beaucoup aujourd'hui, partout. Donc du coup, ça nécessite pour l'instant, une fois adulte, de faire un travail de guérison des blessures du passé pour pouvoir être qui on est réellement. Et pas être blessé, névrosé, coincé parce qu'on a peur ou qu'on a trop de colère ou trop de souffrance accumulée. Ton histoire personnelle est intéressante parce qu'avant de devenir thérapeute, tu étais prof. Hein, donc tu étais rentré dans une case de laquelle tu as choisi de sortir. Pourquoi ? Alors pourquoi j'ai décidé d'arrêter d'être prof ? Un, c'est parce que j'avais fait le tour de ce métier-là. J'aimais beaucoup ce que je faisais avec les adolescents, mais j'étais plus d'accord avec la structure scolaire telle qu'elle était. Et je l'étais pas dès le début, en fait. Donc je me suis formé à la psychothérapie en parallèle pour exercer un autre métier. Et puis j'avais un désaccord de fond sur la notation permanente, l'évaluation permanente et le fait qu'on ne laisse pas les enfants expérimenter la liberté. J'aurais rencontré Bernard Collot, par exemple, plus tôt, j'aurais peut-être proposé ou essayé de faire autre chose d'avant, beaucoup plus loin. Bernard Collot, c'est un ancien institut qui a eu en charge une classe unique pendant 30 ans, et pendant 30 ans, il n'appliquait pas de programme, pas de notes, pas d'évaluation, pas de punition, pas de sanction. Et ça marchait très bien. Voilà, donc quand on le lit ou qu'on l'écoute, on se rend compte que ça marche. C'est une utopie qui s'est réalisée. Et donc à partir de là, moi j'ai vu que dans l'éducation nationale, l'utopie ne viendrait jamais, puisqu'elle est, pas, à mon avis, pas faite pour bouger l'éducation nationale. Donc j'ai décidé de faire autre chose, de vivre ma vie professionnelle autrement. Et donc là, tu t'es intéressé à plein, enfin, tu t'intéressais déjà bien avant à toutes ces thématiques alternatives, mais pourquoi l'écologie intérieure? Parce que quand on a beaucoup de connaissances, comme c'était mon cas, sur plein de thérapies différentes, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ça marche. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est comment ça fonctionne une thérapie, qu'est-ce qui fait que les gens guérissent et se soignent. Et il m'est apparu que toutes les recherches et toute la synthèse qu'avait fait Yann Thibault correspondaient en grande partie à ce que moi-même j'avais déjà synthétisé, et qu'il y avait d'autres éléments que j'avais pas trouvé ou pas compris, où je peinais, sur lesquels lui, il était extrêmement clair. Donc plutôt que passer des années encore à chercher, je suis allé me former directement à la source. Et j'en utilise maintenant les connaissances et les outils. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est la synthèse la plus aboutie que j'ai rencontrée, parce qu'elle permet en fait de remettre en route les processus naturels qui sont bloqués. Parce que la plupart du temps, il ne s'agit pas tant d'outils de thérapie. Hein. Il s'agit effectivement de reconnaître qu'on a des blessures, avoir un thérapeute qui puisse éventuellement les reconnaître, reconnaître qu'on a été blessé. Mais la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est que spontanément, naturellement, tout va bien dans l'être humain. Mais ce sont nos tas de blocages qui nous rendent malades. Et là, il s'agit de laisser la nature profonde de l'être advenir et revenir en quelque sorte, comme l'est un enfant. Un enfant, il dit ce qu'il pense, il est spontané, il n'a simplement pas les moyens techniques, les outils, la force qu'un adulte pour pouvoir se faire entendre. Donc il est dépendant des adultes. Mais nous, une fois adultes, on a accepté de retrouver cette spontanéité. Et l'écologie intérieure, c'est ces connaissances-là, c'est ces savoirs-là qui permettent de faire des expériences, parce qu'il s'agit de ça, on fait des expériences pour comprendre comment on fonctionne et ensuite s'autoriser à l'être au quotidien. J'ai envie de dire que c'est une voie la plus minimaliste qui soit, parce qu'il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de pratique complexe à faire. Il s'agit d'accueillir ce qui est en soi. En particulier, il y a toute une partie qui s'occupe des émotions. Et j'avais observé en thérapie, par exemple, que les gens guérissaient quand ils retrouvaient des vieux souvenirs traumatiques et qu'il y avait des remontées émotionnelles. Et que des fois ça marchait, il y avait une guérison, des fois pas. Et Yann Thibault a vraiment repéré ce processus naturel de transformation des émotions. Donc les émotions naturellement se transforment, hein, les émotions perturbatrices, peur, colère et tristesse, se transforment naturellement quand on les laisse faire dans le corps, qu'on laisse vraiment les spasmes et les soubresauts avoir lieu, en des émotions agréables que sont la joie, la puissance, l'énergie et la sagesse. C'est un processus naturel qu'on observe chez les animaux sauvages. Alors d'autres thérapeutes l'ont repéré. Et c'est souvent en fait ça qui est à l'œuvre. Et en réalité, moi j'essaie d'autonomiser les personnes, enfin de leur donner l'autonomie pour qu'elles viennent plus me voir. Parce que si elles sont autonomes, elles vont faire ce qu'elles ont à faire. Et que plus elles seront autonomes, enfin moins elles auront besoin d'un thérapeute, mais elles ont besoin de comprendre comment elles fonctionnent. Donc moi je les accompagne quelques années, ou quelques mois, ou quelques semaines, selon leurs besoins, vers une autonomie psychique. C'est-à-dire qu'une capacité à s'auto-accompagner dans ses blocages émotionnels, dans ses blessures, pour les guérir. Alors des fois, il y a besoin d'un accompagnement d'une tierce personne, mais le but pour moi, c'est que les gens soient à même de le faire seuls. Parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, on a les moyens de cette autonomie et on a une nécessité vitale, vu les enjeux politiques, économiques, écologiques qu'on vit. Pour rentrer dans du concret, pour que l'auditeur puisse s'y retrouver, j'aimerais savoir qui vient te voir, quelles sont les pathologies, les maux, les blessures, les blocages des gens, qu'est-ce que tu observes autour de toi? Parce que peut-être que même nous, en tant qu'auditeurs, on souffre de quelque chose qu'on n'a pas encore identifié. Oui, alors j'ai des personnes de tous les âges. Je crois que j'ai eu de 7 à 80 ans au moins. Ça dépend. Il y a de tout. Il y a des personnes qui viennent parce que elles sont touchées par ce qu'on appelle les bénédictions, qui sont en fait ce qu'on n'aime pas vivre. Hein, c'est les séparations, les deuils, le chômage dans une société qui est basée sur le travail, c'est un problème, des accidents, des maladies, des souffrances psychiques, l'incapacité d'aller au bout de leurs rêves, voilà. Donc les gens viennent me voir parce ils sont frappés par ces bénédictions. Donc, ça leur plaît pas, mais c'est souvent un moteur évolutif. Et ce sont aussi des gens qui sont en recherche de vérité. La plupart ont envie de comprendre comment ils fonctionnent. Souvent, on vient parce qu'on a envie de se débarrasser d'un symptôme pénible, mais on se rend compte que le symptôme pénible nous amène à nous transformer en profondeur. Et c'est là où l'écologie intérieure est intéressante, c'est que c'est un ensemble d'outils à la fois psychothérapeutiques, mais qui touchent aux questions spirituelles, avec l'idée que nous sommes des êtres divins, d'essence divine, et que cette essence divine s'incarne progressivement dans notre être. Et donc la conscience humaine est bien plus complexe que simplement le fruit de nos neurones et le fruit de l'électricité dans notre cerveau. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux questions parapsychiques ou aux questions de voyance, de médiumnité, parce que ça ouvre à des dimensions beaucoup plus complexes de l'être humain. Et c'est cet aspect-là, moi, de l'écologie intérieure qui m'intéresse aussi. C'est l'idée que collectivement, individuellement et collectivement, nous créons notre réalité. Comme si on était dans un gigantesque jeu vidéo. Et que ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce que nous créons. D'où ta question tout à l'heure sur la physique quantique, qui essaie de répondre à cette idée-là. Et c'est à la fois révolutionnaire, parce que jusqu'à présent, soit on était matérialiste et athée, il n'y a rien, nous vivons une fois, puis on meurt, soit on a une vision spirituelle, mais souvent teintée de religion. Alors les bouddhistes vont être dans la vie et souffrance, et puis ça s'arrêtera à ça. Soit on a une vision comme les chamans, par exemple, ou une vision religieuse chrétienne ou musulmane dans laquelle il y a un dieu qui décide. Et là, on se réapproprie pour la première fois de l'histoire humaine, de manière assez logique et rationnelle, l'idée que nous sommes des êtres créateurs. Mais plutôt que se l'approprier parce que je le dis, il s'agit d'en faire l'expérience. Donc l'écologie intérieure propose de comprendre et de faire l'expérience de comment ça marche. Vous écoutez La Voix du Kaizen. J'aimerais qu'on rentre dans du concret, que tu me parles d'un cas, enfin pas forcément d'une personne, on va pas la nommer, c'est pas le but, mais d'une pathologie ou d'un mal. On va venir te voir, quel va être le processus, quels vont être les exercices mis en œuvre et comment est-ce que tu vas accompagner la personne. Alors je vais te donner peut-être pas un exemple, mais des exemples variés. Par exemple, le plus facile pour moi, c'est les gens qui ont une phobie. Une phobie d'un chien, ça c'est très facile, on retrouve l'origine de la phobie, la personne accueille l'émotion. Enfin, quand je dis accueil, hein, elle revit vraiment son émotion du moment où elle a eu peur du chien, qui peut avoir duré un moment. Comment? Par des outils, par des ateliers, par des exercices? C'est l'alchimie émotionnelle, c'est ce processus naturel de transformation. Comme les alchimistes transformaient le plomb en or, ben là c'est la même chose. Simplement, elle s'allonge, elle se détend, elle laisse venir le souvenir, l'émotion arrive, la personne la revit, donc la respiration se met à être haletante, comme quand on a peur, tu vois, parce qu'elle a eu peur. Et puis au bout de quelques minutes, elle ressent un apaisement, une grande détente. Et puis ensuite, je vais vérifier avec elle, en trouvant un chien dans la rue ou au salon de toilettage à côté, tu vois, et on vérifie que la peur est plus là. C'est-à-dire qu'elle découvre un chien comme ce que elle peut le toucher, le regarder, voilà. C'est incroyable. Donc ça, ce process, dans un état normal de conscience ou modifié de conscience, revivre cette émotion, s'allonger, parce que tu peux très bien te faire réémerger un souvenir d'enfance, mais l'émotion n'est pas forcément là. Alors, tout mon accompagnement vise à ce que l'émotion revienne et qu'elle puisse être. C'est toutes les explications que je donne au préalable. Il n'y a pas besoin d'hypnose. Les souvenirs reviennent spontanément à partir du moment où on accepte de ressentir les émotions. Et souvent, les gens viennent me voir, parfois même après avoir été vu des hypnothérapeutes, parce qu'ils avaient peur de l'émotion. Donc, par exemple, ce sont des blocages. Les personnes savent qu'elles ont un traumatisme dans l'enfance, mais ne se rappellent plus lequel. Donc, un autre exemple. Et là, il s'agit de ne pas avoir peur de l'émotion qui va ressurgir. Et une fois que la confiance est rétablie dans sa capacité à accueillir des émotions, je me rappelle d'une personne qui a retrouvé une situation d'abus. Très claire. Mais moi, j'induis rien, hein, je dis rien. Je ne suis pas un inducteur. Je dis, laissez venir, qu'est-ce qui vient, laissez venir la sensation. Et on parle de la sensation actuelle. Et souvent, on va remonter comme un fil, un fil d'Ariane, on remonte dans le temps, et puis à un moment donné, le souvenir revient, est très précis. Mais moi, j'indique rien, je ne sais pas ce qui va revenir. Alors, il est précis et plus ou moins flou, comme tout souvenir. Mais l'émotion, à ce moment-là, on lui permet de se guérir, de se transmuter. Alors, j'ai d'autres outils. Pas ça, c'est les cas les plus faciles. Mais il y a des situations plus délicates, quand les personnes ont des formes de mal-être très enfouies. Alors là, il y a un travail d'exploration qui est beaucoup plus long. Et donc, c'est un accompagnement qui va prendre plus de temps et à apprendre à réfléchir à ce qui se passe en soi, ne pas avoir peur de réfléchir à pourquoi on est bloqué, analyser ce qui se passe. Ça, c'est beaucoup plus long. Et là, je dis, ça prend beaucoup plus de temps. Bah, ça demande un temps d'exploration et de guérison que la personne va devoir faire seule, parce qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles, peut-être des centaines, tu vois, d'émotions refoulées. Je pense à des personnes qui ont été laissées dans des couveuses, tu vois, à la naissance. Parce que souvent, les personnes retrouvent des mémoires de leur naissance, des sensations de la naissance. Alors c'est très spectaculaire parce que c'est le corps entier qui revit la naissance. Le visage, je me rappelle une personne, le visage s'étire. Tu vois, je le mime, il faut imaginer, je tire mes yeux vers l'arrière parce que je voyais son visage se tirer vers l'arrière. Donc quand on me dit qu'il n'y a pas de mémoire, je rigole parce que moi je l'ai vu sur des personnes et je n'étais pas le seul à le voir. Et des tas de thérapeutes m'ont certainement vu aussi. Donc cet accompagnement-là vise des personnes qui peuvent être dépressives, tu vois, qui ont des grandes souffrances et qui ne savent pas pourquoi. Donc là, ça prend un moment. Et souvent aussi, je les réconcilie avec elles-mêmes parce qu'on leur a dit, par exemple, que le mental était le problème. C'est une erreur de traduction de l'hindouisme. Parce que le mental, c'est quoi ? C'est souvent ce qu'on va avoir comme rumination la nuit. Tu sais, les gens font l'insomnie, puis ils ruminent, ils sont pas bien, ils font des crises d'angoisse. Et en fait, c'est une erreur d'interprétation et de traduction. Alors, c'est ce qu'on va appeler un mental émotionnel, un mental lié à des souvenirs refoulés. Et ce sont ces refoulements émotionnels qui vont créer des ruminations et pas l'inverse. Donc les gens veulent, dans ce cas, couper et arrêter ces ruminations, on les comprend. Enfin, en tout cas, je les comprends, mais le problème vient de charges émotionnelles refoulées. Donc là, il y a un long travail d'apprendre à explorer les ruminations et pas en avoir peur, et de découvrir que derrière les ruminations, il y a des émotions refoulées. Par exemple, une personne qui venait me voir parce qu'elle voulait se suicider. Donc il s'agit d'aller explorer les pensées suicidaires, ce qui est contradictoire, puisqu'on se dit, bon là là, si je pense à me suicider, je vais le faire. Non, c'est rester conscient que j'ai des pensées suicidaires, ou que la personne a des pensées suicidaires, et qu'en les explorant, à un moment donné, elle va tomber sur des charges émotionnelles et des souvenirs anciens, et que là, elle va pouvoir laisser le processus de transmutation se faire. Dans tout ce qui est la colère qu'on a en soi, la violence ou toutes ces émotions négatives, on peut aussi les transcender, les transmuter. Oui, alors moi je les vois pas comme négatives. Elles sont perturbatrices parce que quand on est identifié à la colère, on fait n'importe quoi. Mais si on est conscient et qu'on est conscient de sa colère et qu'on a guéri l'origine, ben on dit ce qu'on a à dire. On reste poli, mais on parle ou on agit. Donc la colère est une émotion géniale, pour autant qu'elle soit consciente. En fait, ces émotions, hein, peur, colère et tristesse, sont perturbatrices. Pour moi, elles ne sont pas négatives. On n'a pas à les gérer, on a juste à s'en occuper de manière naturelle. Parce que souvent, on veut gérer les émotions, comme si c'était des dossiers administratifs. Tu vois. Mais ce sont simplement des émotions perturbées de notre passé, qui remontent à notre conscience, mais de manière inappropriée. Et souvent, on n'a pas conscience que c'est le passé qui se rejoue. Voilà. Et alors... Il y a toute une panoplie d'exercices et d'outils qui permettent de réparer quand c'est compliqué. Par exemple, souvent les gens ne ressentent pas leurs émotions parce qu'on leur a appris à les contenir. Justement, la colère, on nous a appris à bien la contenir. Alors, on la garde en soi et on ne sait pas comment faire. Dans ce cas-là, j'utilise un autre outil qui s'appelle le scénario de guérison, qui vise à utiliser l'imaginaire, donc à imaginer une situation dans le passé idéale, on la répare dans le passé, et en même temps on ressent l'émotion. Et elle se transmute de manière indirecte. Alors ça, c'est formidable à faire parce que ça aide les gens à réparer des situations du passé. Pour l'inconscient, ce qui est imaginaire est réel. C'est ça qui est fort. Hein, on va au cinéma, on regarde un film, on pleure. On sait que c'est un film et pourtant on est touché. Bien là, j'invite à faire des scénarios idéaux pour les personnes. C'est-à-dire qu'elles font un film idéal qui correspond à ce qu'elles auraient eu besoin enfant et elles se guérissent. En fait, elles transmutent de manière indirecte ces émotions qui étaient enquistées, refoulées en elles et bloquées, qui les rendaient malades. On n'a pas défini le mot émotion. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Une émotion, c'est une réaction, si tu veux, de l'être face à une situation de danger. De danger ? Parce que quand on est heureux, c'est une émotion aussi, la joie. Ça, c'est les émotions perturbatrices. Alors, si tu veux, les émotions perturbatrices, ce sont peur, colère, tristesse pour l'essentiel, avec l'exaltation, la culpabilité, qui sont d'autres variantes. Donc ce sont des réactions physiologiques naturelles de l'être humain pour réagir, pour changer l'environnement. Un enfant qui est en colère et qui pleure très fort de colère, c'est parce qu'il a faim, il veut qu'on s'occupe de lui, il appelle à l'aide. Donc ce sont les mécanismes naturels qu'on a trouvés pour interagir avec l'environnement. Et le reste du temps, nous avons des émotions agréables, des sentiments agréables, et nos émotions perturbatrices n'ont que pour fonction de nous alerter d'un danger ou d'un problème pour le transformer, pour rester dans cet état naturel que sont la joie et l'amour. Émotions perturbatrices, colère, peur et tristesse, et donc les émotions que tu appelles comment positives ? On peut les appeler positives, c'est l'état naturel, la joie, l'amour, la sérénité, la sagesse, c'est notre état naturel. Simplement, on en est bien souvent coupé. Et l'effort qu'on a, enfin, si on a un effort à faire, c'est simplement d'aller guérir de nos blessures pour être dans notre état naturel. En réalité, on n'a pas d'effort, on n'a rien à accomplir, tout est déjà là. À mon sens, on a juste à guérir des blessures pour retrouver l'état spontané que nous avions enfant. Donc on peut reprendre le contrôle de ses émotions. Oui, mais il ne s'agit même pas là de les contrôler. C'est-à-dire que si on veut les contrôler, c'est qu'on a peur d'elles. Il s'agit de les émotions perturbatrices. Il s'agit de les accueillir et arrêter de les voir comme un problème. Elles sont la solution. Elles sont le problème parce qu'on est identifié à elles, parce qu'on les refoule, parce qu'on ne veut pas les ressentir. Et plus on les refoule, moins on accède à la sagesse qui est contenue en elles. Parce qu'une émotion qui est transmutée, par exemple une peur qui est transmutée, une colère, donne vraiment accès à l'intelligence. Et du coup, on n'oppose plus l'intellect, la réflexion, l'analyse. Au contraire, les gens qui transmutent accèdent à qui ils sont. C'est une sorte d'état d'éveil qui se produit à ce moment-là. Et ça peut être un état d'éveil d'intellect, tu vois, d'intelligence. Ils vont se mettre à réfléchir, à penser le monde de manière intelligente, non plus névrotique. Et de la même manière, ils peuvent accéder à un état d'ouverture du cœur. Ils vont se sentir en amour avec le reste du monde. D'où l'intérêt de l'écologie intérieure, c'est d'explorer de manière, d'expérimenter des états d'éveil, des états d'expansion de conscience, et de voir que c'est un état naturel. Jean-Guillaume, je t'ai vu que ton téléphone réglait une urgence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as vu faire ça ? Ah oui, c'est parce que quand il y a des... Oui, c'est vrai. Quand il y a des personnes qui sont en difficulté, je les accompagne par téléphone. Parce que c'est un moment où elles ont une forte émotion qui revient. Elles sont dépassées. Elles sentent que c'est trop fort. Elles ont besoin d'être accompagnées. Mais elles n'ont pas encore la conscience suffisante pour le faire seules. Donc elles m'appellent. Et je les aide en les rassurant, en leur donnant les moyens d'accueillir cette émotion, cette charge du passé qui revient, qui essaie de se réguler naturellement. Et je suis juste le point d'appui à ce moment-là pour qu'elles apprennent à le faire seules. Parce que, je ne sais pas, elles ont une grosse charge de tristesse qui vient et elles ont besoin de mon appui à ce moment-là pour être rassurées. Souvent parce qu'elles n'ont pas eu cet appui quand elles étaient enfants. Et l'accompagnement que je propose, c'est de devenir à un moment donné son propre parent, sa propre conscience témoin, sa propre conscience de ce qu'on vit et que c'est pas grave et qu'on peut s'en occuper et qu'on peut laisser l'émotion nous se vivre en soi. Au début, ça peut être spectaculaire ou même après, parce que les émotions qui se transmutent, ça bouge, quoi. Le corps tremble, hein. Il y a des spasmes, des mouvements très forts du corps, hein. Tu vois, c'est facile, mais c'est impressionnant au début. On n'a pas tous la même sensibilité face à nos émotions. Quelqu'un qui est complètement coupé de son ressenti intérieur peut très bien être heureux et joyeux. Ah, oui, il peut l'être, mais souvent il va l'être en apparence. Et c'est les bénédictions de la vie qui vont lui rappeler qu'il n'est pas. Je pourrais parler de mon propre cas dans ce cas-là, où j'étais, très contrôlant. J'ai une structure psychique où je contrôle beaucoup mes émotions. Tu vois, j'en ai fait mon métier, j'en suis devenu un spécialiste, parce que je sais exactement ce que c'est que contrôler des émotions. Mais ça rend malade sur le long terme, et pas heureux, ça laisse un mal-être de fond. On peut se leurrer, se donner l'impression que ça va bien, et puis on n'a pas tous les mêmes charges inconscientes. Et ça dépend des moments de sa vie. Quand moi j'ai été prof, il y a des moments où j'étais assez heureux globalement parce que je vivais des tas de trucs agréables. Mais les charges de fond n'étaient pas forcément guéries. Donc ça dépend des moments de la vie de chacun et de son rapport, de ce qu'on a dans l'inconscient. On n'a pas tous la même enfance. Et de ce qu'on fait, tu vois, prenons un exemple au hasard comme Macron. Macron a l'air très heureux. Il a finalement une enfance qui a l'air assez normale et il a l'air de se réaliser. Donc il a l'air assez heureux au final. Mais est-ce qu'on peut être d'accord avec les choix qu'il fait ? Est-ce qu'il les fait de manière finalement très éclairée ? Est-ce qu'il prend en compte certains aspects écologiques, par exemple ? Il a l'air d'être dans le déni écologique. Et pourquoi est-il dans le déni écologique, si ce n'est parce qu'il y a des parties de lui inconscientes qui sont refoulées ? Oui, donc par rapport, on peut effectivement avoir l'impression d'être heureux. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux parce qu'ils ils vivent de manière très conforme. Ils font comme tout le monde et ils vivent une vie tout à fait banale, classique. Ils sont heureux. Mais je répète, c'est un bonheur qui peut être illusoire et temporaire. À partir du moment où il faut commencer à réfléchir et se rendre compte et prendre conscience de certaines choses ou qui vont avoir des difficultés dans leur vie, ils vont être amenés à réfléchir, à changer de point de vue. Et là, ils seront moins heureux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Enfin, c'est un peu illusoire de dire que les gens baignent dans un bonheur absolu. La plupart des gens souffrent énormément dans leur travail. Dès qu'ils ont compris les enjeux écologiques, ils ne sont pas heureux. Le problème, c'est les réponses qu'on y apporte. Pour peut-être terminer cet échange, quel serait le monde idéal ? Comment est-ce qu'on serait ? Bah, c'est ce vers quoi moi je propose. Un monde idéal, c'est un monde... C'est là où il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on veut et réfléchir. Là, je te renvoie aux travaux de mon ami philosophe Emmanuel Juste d'Huit, qui propose l'idée de débattre et de discuter de ce vers quoi on veut aller collectivement. En tout cas, le monde idéal vers lequel j'imagine on pourrait aller, c'est un monde où la liberté d'être est là, où les règles, les règles n'existent plus parce qu'on n'en a plus besoin. Les règles ne sont là que pour pallier à nos blessures, à nos manques, à nos souffrances. Et que des êtres réellement conscients, donc conscients de ce qu'ils vivent, réellement authentiques, n'ont plus besoin de règles. Ce qui est une utopie. Et quand je rencontre Bernard Collot ou Yann Thibault, je me rends compte que cette utopie est possible. Ça fait penser à l'utopie d'Auroville en Inde, où il y a cette notion de pas de règles et d'unité humaine. Ben oui, voilà, ça fait partie des à la suite d'Aurobindo, des pionniers qui ont exploré une nouvelle façon de vivre ensemble. Mais ils sont partis de la question spirituelle aussi, ils en ont tenu compte. C'est une expérience passionnante. Jean-Guillaume Bellier, merci. Donc, un site internet ? Oui, www.lateliedebellier.com et à Bellier, à deux L parce que c'est mon nom. Merci à toi. La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.